plaisait. On n'est bien que faire des gens. C'est un coup qui m'appelle, c'est un coup qui bague pas, donc comme ça. On gagne courage pour supporter les problèmes. On se prend le musicien dans le corps et dans l'âme. Et il y a son lot de bagaille.